commence à gronder. Et le lendemain, c'est la guerre. Harry se réveille et il ouvre ses prisons. Harry a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter. Fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres, sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu. Mais on pourra se présenter là. Une fleur au chapeau. On veut être libre à n'importe quel prix. On va vivre, vivre, vivre, vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Quand Paris est en danger, et le monde chante quand Paris s'est libéré. C'est la fête à la liberté, et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière.